Deuxième temps d'une nouvelle semaine de la Fabrique de l'Histoire, consacrée à l'histoire de l'imprimerie, alors que vient de réouvrir à Lyon le musée de l'imprimerie et de la communication graphique. Hier, nous avons eu le plaisir de recevoir Roger Chartier, en même temps d'ailleurs que son camarade Carlo Ginzburg, à l'occasion de la parution d'un livre sur l'imprimerie à l'époque moderne, La main de l'auteur et l'esprit de l'imprimeur, chez Folio Gallimard. Demain, nous vous parlerons dans une balade organisée par Séverine Yatard du musée de l'imprimerie, qui vient donc de réouvrir à Lyon. Et jeudi, nous traiterons des libelles et des mazarinades, donc à cette époque moderne. Et aujourd'hui, eh bien, le documentaire nous plonge dans une grande grève, la Grande Grève du Parisien Libéré, un documentaire signé Séverine Yatard et Anne Fleury. Nous étions en plein cœur des années 70. C'est une grève qui durera presque 2 ans, donc à l'occasion d'un conflit entre la direction de ce journal et les ouvriers du livre. C'est ce que raconte justement le documentaire jusqu'à 10h de la Fabrique de l'Histoire, avec les témoignages de Maurice Boivin, de Jacques Ruet, de Roger Lancry, de Daniel Légereau, de Maurice Lourdet, de Gérard Poulain et de Salvador Sanchez. Pas de Parisiens libérés ce matin, les ouvriers ont fait grève hier et mardi prochain il n'y aura pas du tout de journaux à Paris, et ce à la suite d'un arrêt de travail décidé par la CGT du Livre. La grande grève du Parisien libéré. Paris sans journaux, le conflit du Parisien libéré s'est encore aggravé. Le comité intersyndical du Livre s'oppose au plan de restructuration de l'entreprise décidé par Émilien Amaury, le grand patron du journal. L'application de ce plan a déjà conduit à la suppression du grand format du Parisien, à la disparition de 6 éditions régionales et à la fermeture d'une imprimerie employant 300 ouvriers. Au début des années 1970, les grands quotidiens nationaux populaires déclinent. Le Populaire disparaît en 1971, Paris Jour en 1972, Combat en 1974. Pour la seule région parisienne, 70 entreprises graphiques ferment, 6000 licenciements sont prononcés. La grande grève du Parisien libéré, qui va durer 28 mois, de 1975 à 1977, révèle en fait ce malaise de plus en plus tangible dans la presse. Émilien Amaury, l'un des fondateurs du Parisien, détient alors un groupe de presse qui comprend entre autres L'Équipe, Marie-France, Carrefour ou Point de Vue. Dans ce contexte de crise, auquel s'ajoute une révolution technologique en cours, il décide de quitter la convention collective de la presse parisienne pour rejoindre celle de la presse régionale. Il s'agit clairement de rompre avec le syndicat du livre CGT, qui détient alors le monopole de l'embauche et défend le statut des ouvriers du livre. Face à l'impossibilité d'engager des négociations, les travailleurs de la presse parisienne se jettent collectivement dans la bataille. Manifestations, grèves ponctuelles puis illimitées, occupation de l'imprimerie, des opérations médiatiques et festives sont également organisées pour alerter l'opinion, comme l'occupation de Notre-Dame, celle du paquebot France, l'ascension de la porte Saint-Martin ou la distribution d'un spécial grève. D'autres initiatives consistent à empêcher la diffusion du Parisien en interceptant les camions de livraison du journal. Certaines donnent lieu à de graves incidents. Blessé au visage par une grenade lacrymogène lancée par la police, Maurice Boivin, typographe au Parisien, perd définitivement la vue. On avait du travail autant qu'on en voulait, c'était facile. Il y en avait partout, il fallait aller le chercher, mais il y en avait. Hein. Il y avait deux bureaux d'embauche. Le premier, le matin, on allait au syndicat, c'était les meilleures places, il n'y en avait pas. Et l'après-midi, on allait au quai de Gèvres, c'était le syndicat patronal. Et là, on avait toujours du boulot, mais c'était plus ou moins les bonnes places. Alors, j'ai fait dans même 10 ans ce qu'on appelle dans le labeur avant d'entrer en presse, parce que pour entrer en presse en région parisienne, il fallait avoir 5 ans de syndiqués à la fédération et 2 ans de syndiqués dans la région parisienne. Et il fallait avoir 25 ans d'âge. Donc j'ai tourné pendant 10 ans dans le labeur, j'ai fait toutes les boîtes où j'ai appris mon métier sur toutes ces coutures, aussi bien du tableautage que de la publicité, que de l'édition. Dans chaque boîte, on apprenait quelque chose. Et c'est comme ça que j'ai commencé mon premier service au Parisien Libéré, le soir de Noël, en 59. Donc je peux dire que je suis rentré en 1960 au Parisien Libéré. Et au bout d'un an, j'ai été délégué, je suis resté jusqu'au bout. Et au Parisien, alors comment Quelle est l'ambiance justement entre justement Amaury, avant qu'il y ait cette attaque frontale Aux Parisiens, c'est-à-dire qu'on tournait sur trois secteurs. Il y avait la rue Réaumur qui faisait ce qu'on appelle la nationale, la parisienne. Après, ils ont embauché, on a pris les ateliers rue d'Enghien, où là, on faisait les éditions. La Seine-et-Marne et l'Oise, qu'on avait fait déjà et qu'on faisait. Et après, il a lancé l'Eure-et-Loire. Et les rotatives du Parisien proprement parlé étaient rue des Petites Écuries. Je suis rentré dans le livre comme lithographe, comme vous l'avez dit, en 1946. Roger Lancry. Et en 1952, je suis rentré dans la presse comme permanent. Permanent, c'est quoi ? C'est le bureau de placement qui est reconnu dans le cadre du monopole et qui permet de boucher les trous chaque fois qu'il y a une possibilité. Vacances, maladies, etc., fluctuations de pagination. Puis je me suis retrouvé à travailler chez Émilien Amaury en 1954, au Petit Parisien, c'est-à-dire l'anciennement Petit Parisien, mais c'était le Parisien libéré, rue des Petites Écuries. Alors, pour la bonne règle, je voudrais dire que ces imprimeries étaient installées dans les troisièmes sous-sols avec du matériel qui remontait à 1920-1930, très vétuste. On travaillait dans des conditions extrêmement pénibles, aérosol d'encre, de papier, le plomb, la plomberie. Les clicheurs étaient dans des endroits impossibles à travailler avec le plomb en fusion. Donc les conditions étaient très très pénibles. Je vais rappeler aussi quelque chose, parce qu'on a tendance à l'oublier, c'est que s'ils avaient des salaires confortables, les ouvriers du livre, il faut dire qu'ils travaillaient les dimanches, les jours de fête, la nuit, le jour. Ça mérite une compensation de salaire, et ça, on a tendance à l'oublier. Journal télévisé d'Antenne 2, 14 mars 1975. 1960, le Parisien libéré lance ses éditions régionales. 1975, le quotidien paraît sur deux formats et comporte 22 éditions, une nationale, 21 régionales, qui tirent à 850 000 exemplaires. Mais en 1974, le journal accuse un déficit de 10 millions nouveaux. La direction se retourne alors vers le syndicat du livre et lui demande de réduire le coût de fabrication, les ouvriers du livre étant payés au service et non au temps de travail. C'est le cas, par exemple, du linotypiste. Modification des conditions de travail pour la direction, licenciement pour le syndicat. Entre ces deux positions parfaitement opposées, le dialogue est d'autant plus difficile qu'à Paris, le syndicat du livre est tout puissant dans une profession très organisée qui ne veut remettre en cause aucun des avantages acquis. J'étais typographe, voilà. Salvador Sanchez. Je composais et mettais en page l'édition du Val d'Oise avec quatre autres camarades. Nous étions cinq je crois par équipe. Et nous étions au rez-de-chaussée, je travaillais au rez-de-chaussée à l'imprimerie de la rue d'Enghien. Et puis je suis arrivé le 3 mars au boulot avec mes autres camarades. Et d'un seul coup la sentence est tombée. Il n'y a plus de grand format, il n'y a plus d'édition régionale, il n'y a plus rien. Et il reste juste le Parisien petit format à 24 pages, ce qui faisait du travail pour ainsi dire, pour pas grand monde. Alors combien de personnes, alors que d'habitude vous étiez 600 environ? Là, on perdait 300 services. Le service, c'est un service, c'était 6 heures, donc le travail qu'on devait effectuer, le service. Et en même temps, il décide carrément de fermer l'imprimerie, parce qu'il dit, on n'aura plus besoin de l'imprimerie, on va faire le tirage à la rue des Petites Écuries. Alors bon, aussitôt, c'est le coup de force, quoi. Toujours son obsession de nous ramener à la presse, aux conventions de la presse régionale. Son arrière-pensée, c'était bien de s'offrir, je mets des guillemets, le syndicat du livre. Hein, parce qu'il y a longtemps qu'il voulait... il avait commencé en 69, il a récidivé en 74, cette question revenait sans arrêt sur le tapis. On avait une convention, effectivement, plus avantageuse, mais il y avait une contrepartie. C'était nous qui étions responsables de l'embauche et de la parution de tous les titres, quel que soit le volume de travail. Alors du coup, Daniel Légereau, est-ce que vous pourriez nous présenter un petit peu ce syndicat du livre dont vous avez eu la responsabilité ? Même avant que la CGT soit créée en 1895, les ouvriers typographes avaient créé leur propre syndicat, la Chambre syndicale typographique parisienne, qui ensuite, en 1995, donc, a rejoint la CGT. Daniel Légereau est aujourd'hui responsable de l'Institut CGT d'histoire sociale du livre parisien. Une de leurs premières conquêtes, ça a été d'imposer le label syndical. C'est une négociation qui est intervenue avec les patrons du livre à l'époque. C'était de dire, on va convenir un accord. Nous nous engageons à vous fournir de la main-d'œuvre qualifiée. Vous vous engagez à nous fournir des salaires corrects et des conditions de travail correctes. Et on met en place un label, c'est-à-dire les patrons qui accepteront d'accorder la priorité des négociations et le début des embauches par notre syndicat, on lui accordera le label, un tampon qui figure toujours d'ailleurs sur les différents journaux édités en France. Et en contrepartie, bah, les ouvriers du Libre s'engageaient à un travail de qualité et à ne pas trop recourir souvent à l'action. Voilà ce que c'est que le label en deux mots. Le label après a permis de déboucher sur l'obtention des bureaux de placement. Ça incitait les patrons à nous solliciter pour obtenir toujours de la main-d'œuvre à bon marché. Je vais vite. La guerre, la libération. Alors la libération, qu'est-ce qui se passe? La plupart des patrons de presse ont collaboré. Il n'y a plus de patrons pour diriger les entreprises. Le gouvernement, issu de la résistance, fait appel au syndicat du livre pour leur dire « on a un problème, il nous faut du personnel qualifié et puis des gens pour diriger les entreprises ». Est mis en place la Société nationale des entreprises de presse. Pendant un moment, on attend que des patrons normaux, entre guillemets, reviennent à la direction des entreprises. Et pendant ce temps, le syndicat, lui, obtient le contrôle de l'embauche. Alors, le contrôle de l'embauche, qu'est-ce que c'est? La presse a une particularité. Les paginations, les tirages peuvent changer suivant l'actualité. C'est difficile pour les entreprises d'avoir un effectif permanent correspondant aux besoins. Donc il y a un effectif de base dans chaque entreprise et le syndicat, à travers son bureau de placement, répond aux besoins des entreprises en leur envoyant la main-d'œuvre nécessaire. Bien évidemment, ces ouvriers-là sont très reconnaissants au syndicat et sont donc tous syndiqués à la CGT. Voilà en deux mots comment fonctionne ce bureau. C'est un monopole, d'une certaine manière, Daniel Légereau. Pour les ouvriers, oui, il y a monopole d'embauche en presse. Et la fédération dirigeait la province, mais pas Paris. Paris était un peu autonome, par ce qu'on appelle le syndicat inter. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y avait un canard qui crevait, on se réunissait à Blanqui. Je parle pour les typos, On se réunissait à Blanqui, et ce qu'on appelait ça le marché aux esclaves. Et voilà, il y a 12 gars sur le sable, ou 15 gars, ou 20 gars. Faut en prendre chacun 2, 3 ou 4. On en posait les gars dans les équipes. C'est pour ça que je disais qu'on était syndiqué de la presse parisienne, pour la bonne raison que le gars qui avait plus de boulot, il se retrouvait replacé dans un autre journal. Est-ce que je veux vous dire? On avait, comme on avait le contrôle de l'embauche, on imposait les gars, ça se passait très bien comme ça, si vous voulez, on avait un travail considérable. C'est vrai qu'on était un petit peu roi sur notre truc, pas roi, mais on était quand même un petit peu... Vous autogériez, quoi, d'une certaine manière. Voilà, on s'autogériait au point de vue travailleur, emploi. Le salaire, on discutait avec les entreprises. Il y avait un salaire de base syndical qui était discuté avec la presse parisienne, avec les représentants de la presse parisienne. On discutait le tarif syndical, c'est-à-dire pour 6h40 de boulot. Et dans chaque boîte, selon l'importance de la boîte, on arrivait à obtenir une heure de plus, une heure. C'est pour ça qu'il y avait des boîtes qui étaient plus ou moins bien payées. Aux Parisiens, on avait 3 heures de plus que le tarif syndical. On a bénéficié de conditions particulières, à savoir la notion de service. Gérard Poulin. Et puis on ne pointait pas dans les entreprises, dans les journaux de presse, on ne pointait pas. On ne pointait pas, mais tout le monde était à l'heure, voire même avant l'heure, puisqu'on était mis face à nos responsabilités. C'est ce qu'on appelait le travail de conscience. Tant que ce qu'on appelait pageux, c'est-à-dire le chef d'atelier, qu'on appelle un pageux, ne donnait pas son accord par la formule où c'est brisé ou c'est lavé. Quand il disait ça dans l'atelier, là on savait qu'on pouvait partir, que le travail était ric-rac, tout, voilà. Ça se passait comme ça. Mais on avait des conditions effectivement intéressantes, par rapport à la presse de province. Régional. Ouais, qui n'avait pas... L'imprimerie de la Beurre, n'en parlons pas, c'était encore autre chose. Amaury, il faut le situer avant le conflit. En 40 et 44, il dirigeait l'OPG en contact permanent avec Vichy. L'OPG, c'est l'Office de publicité générale. Et il avait obtenu des marchés publicitaires, etc. C'est bon de le rappeler, parce qu'après, il s'est dit qu'il était résistant. C'était assez curieux. Il est très ambigu, le personnage. Et depuis la libération jusqu'en 1974, les relations étaient très tendues, mais elles étaient dans le cadre normal des us et coutumes de cette profession. Il appliquait les accords de la presse parisienne, bien qu'il avait claqué la porte du syndicat de la presse parisienne, et il était en désaccord avec tous ses confrères de la profession, pratiquement. Et il se retrouvait à la tête du Parisien, de l'équipe, de tout ce qui était le Tour de France, et tous ces titres qu'il avait, Carrefour, Point de vue Image du Monde, etc., plein de périodiques. En le fond, c'était un personnage assez important dans le décor de la presse. Il a un empire, quoi. L'empire Amaury, en effet. Donc, il avait un côté très militaire pour diriger ses affaires, mais un militaire vraiment facho et réactionnaire. Il nous a dit un jour, voilà, je veux moderniser mes outils de fabrication, je le fais avec vous. Il nous convoque aux Champs-Élysées, il dit, voilà, la maquette, je vais le faire ça à la cave aux huiles. C'était à Saint-Ouen. Et il dit, c'est là que je vais installer mes machines, etc. Mais voilà, les conditions de travail vont être différentes. On a dit, on est d'accord. On a toujours été un syndicat de contrat. Les typographes savaient qu'il fallait passer du plomb au film. Les clicheurs devenaient des photographeurs, des monteurs, etc. Et puis, les ouvriers du livre avaient des machines plus performantes qui permettaient de rouler deux fois plus de tirages dans un minimum de temps. Donc, je reviens à Amaury. Amaury, patron difficile. Mais prêt à négocier, quand même. Ah, oui, à l'automne, oui. Là, à l'automne 74. Mais attendez, c'était peut-être un artifice. On l'a vu après. Il y avait 600 salariés et il y avait 300 personnes environ qui devaient passer à la trappe. Comme on avait le contrôle de l'embauche, avec un cynisme à la Amaury, il nous dit « Vous avez le contrôle de l'embauche ? » « Eh bien, vous avez le contrôle de la débauche. Alors démerdez-vous, moi je ne veux pas savoir. » On a dit « Attendez, ça fait des années qu'on travaille pour vous, les contrats existent. » On a toujours eu des relations peut-être un peu tendues, mais respectueuses. Et on vous demande de respecter les engagements. Et il nous a répondu, je veux rien savoir. Et on est arrivé au conflit. On a perdu 2 mois avant de décider la grève illimitée et d'occuper les ateliers. Parce que on sortait le journal à 24 pages. Moi, je travaillais pas dessus, c'était les anciens... qui faisait. Alors nous, on se regardait, alors on occupait les locaux, on amenait notre gamelle, enfin bon, c'était assez oppressant. Il fallait que tous les jours, nous, le syndicat nous a dit, vous signalez votre présence sur le bordereau. Même si moi, je ne travaillais pas, j'avais ma présence et on consignait toutes les devant un huissier, vous voyez. Parce que vous n'aviez pas de travail, c'était parce qu'on n'avait pas de travail, mais moi, nous, on allait tous les jours au boulot. Sauf le samedi soir où il n'y avait pas d'édition le dimanche. Alors donc, ça a duré comme ça le petit micmac avec des réunions entre nous, des quelques contre-propositions du syndicat à Amaury qui trouvait toujours un prétexte pour botter en touche, comme on dit. Et puis au bout de 2 mois, on en a eu marre. On a dit, on déclare la grève illimitée. Maintenant, enfin, en fait, on était pas en grève, on nous avait piqué le boulot. Mais bon, alors finalement, on s'est trouvé à un moment donné dans l'histoire, c'est qu'on n'était ni chômeur, ni licencié, ni gréviste. On n'avait plus aucun statut. Interactualité, 10 mai 1975. En fait, le conflit dure depuis 3 mois maintenant. Le comité intersyndical du livre s'oppose au plan de restructuration de l'entreprise décidé par Émilien Amaury, le grand patron du journal. L'application de ce plan a déjà conduit à la suppression du grand format du Parisien, à la disparition de 6 éditions régionales et à la fermeture d'une imprimerie employant 300 ouvriers. Jusqu'à présent, aucune négociation ne semble possible. On a raisonné un peu comme les généraux. 6 000 personnes, c'était le personnel de l'ensemble de la presse parisienne. Et il y avait 600 personnes qui étaient là en difficulté. On a dit, ben voilà, c'est simple, on va lever une contribution de solidarité de 10%, et avec ces 10%, on va payer les gens qui étaient en situation compliquée. Ça avait un double aspect, cette affaire-là. C'est que ceux qui donnaient souhaitaient que le conflit cesse le plus vite, donc ils participaient aux actions, et ceux qui recevaient voulaient, eux aussi, que ça se termine rapidement. Gérard Poulain, typographe au Monde. Toute la presse parisienne a donné 10% de son salaire pendant 30 mois. On les mettait de côté, puis on les donnait aux copains en solidarité. Ça leur a permis quand même de mieux tenir. Tous vos collègues, par exemple, au Monde, acceptent cette idée de... Dans la grosse majorité des cas, on va dire, plus de 80% des cas, ça a été accepté. Ce conflit a été pénible, pour tout le monde d'ailleurs, surtout pour les camarades du Parisien, bien sûr, mais il a eu au moins le mérite de révéler une cohésion, une solidarité. Parce qu'on n'a pas toujours été d'accord entre les clicheurs, les typographes, les rotativistes. Il y a eu des querelles, parfois de clochers d'ailleurs, hein, qui d'ailleurs ont repris un peu après la fin du conflit. Mais pendant la durée de tout le conflit, pendant ces 30 mois, ça a été main dans la main. On a retrouvé un esprit de fraternité syndicale que moi personnellement, j'avais jamais connu en presse. 9 juin 1975. Des incidents donc, la nuit dernière, et une nouvelle étape dans l'escalade de ce conflit entre Émilien Amaury, le patron du Parisien Libéré, et le syndicat du livre, Arlette Chabot. Oui, après la grève générale des employés du Parisien, votée le 7 mai dernier, M. Amaury avait décidé de sortir coûte que coûte son journal. Pour cela, il avait lancé son opération Belgique. Le quotidien était donc imprimé dans des entreprises belges. Toutefois, l'acheminement du journal a été très souvent perturbé et les camions bloqués par des grévistes. De plus, par solidarité avec leurs camarades français, les ouvriers belges du livre étaient de plus en plus réticents pour fabriquer le journal. Un accord est même intervenu en ce sens avec les patrons de ces imprimeries. Monsieur Amaury a donc trouvé une solution française. Depuis une semaine, le Parisien est tiré à Chartres et depuis cette nuit à Saint-Ouen. Les ouvriers adhérents de Force ouvrière travaillent dans ces deux entreprises et c'est pourquoi le conflit du Parisien devient aussi un conflit syndical. Force ouvrière est opposée à l'action du livre CGT dont elle condamne par ailleurs le monopole de l'embauche. Ce matin donc, Arlette Chabot, vous avez demandé à Pierre Magnier, qui est secrétaire général de la Fédération FO du Livre, s'il n'était pas tout simplement briseur de grève. Nous ne sommes pas des briseurs de grève. Monsieur Amaury mène la politique qu'il entend. Il est décidé de faire respecter la liberté syndicale. C'est exact qu'il nous a demandé de lui fournir des imprimeurs. Et c'est parce que nous en avons assez d'être traités comme ça que nous avons accepté, mes camarades et moi-même, de faire embaucher des adhérents de notre fédération chez lui. Ça ne vous met pas mal à l'aise, cette situation ? Pas du tout. Parce que nous considérons que ça dépasse même nos personnes. Ce n'est pas que la liberté d'information qui est en jeu, c'est la liberté tout court. Paradoxalement, comme pendant la dernière grève, on pouvait trouver ce matin des exemplaires du Parisien dans les kiosques. Le journal est en effet imprimé à Chartres et à Saint-Ouen. À Saint-Ouen, justement, des incidents sérieux ont eu lieu la nuit dernière, des ouvriers du livre en grève s'opposait à la sortie des camions transportant ce Parisien. La police est donc intervenue. Maurice Lourdaise, responsable de la commission dite des loisirs. L'activité, je veux dire, toutes les nuits, c'était la recherche de la livraison du Parisien Libéré qui sortait dans d'autres imprimés. On avait la totalité des tournées du Parisien Libéré, on avait toutes les feuilles. Donc on choisissait dans chaque région où était livré le Parisien Libéré, une ville au hasard. On l'attribuait à une équipe la nuit et les gars, ils partaient, ils allaient faire le camion qui arrivait, ils le vidaient. Donc on distribuait à toutes les entreprises une tournée. Ça désorganisait le Parisien Libéré. Et comme Amaury, avec ses généraux, là, parce qu'il en avait plein autour, et qu'il était assez joueur comme gars, il reprenait les tournées où on avait pris ces cargaisons et le lendemain, il changeait les tournées lui-même. Bon, faut dire que ces actions lui ont fait perdre plus de la moitié de sa production. Mais nous, on était partis pour aller au bout. Donc il fallait l'affaiblir le plus possible. Au Monde, par exemple, on avait en général deux ou trois voitures qui tournaient toute la semaine avec des équipes parfois différentes. Moi, en général, je tournais entre 3 fois et 4 fois, quand même. 4 sorties, entre 3 et 4 sorties dans la semaine, quand même, la nuit. Et puis, comme j'étais du matin, je dormais l'après-midi, enfin en fin d'après-midi, en attendant la nouvelle nuit, quoi. On a poursuivi des fois à près de 200 à l'heure, hein, par tous les temps. C'était viril. Bien qu'on ait eu des copines aussi qui se sont battues avec nous également. On a eu des femmes, on a eu nos Louise Michel, nous aussi un peu, toute proportion gardée. Hein. Mais on a eu des poursuites qui étaient dangereuses. Donc des fois. Pendant 30 mois, vous avez rattrapé les camionnettes d'Amoré. Voilà, oui. Et puis ça commençait à lui coûter cher. Ça aussi, ça a été un atout au bout d'un moment, parce que les camions, on les a pas toujours rendus nickel. Hein. Il y en a qui sont partis dans le port de Gennevilliers. Il y a quelques petites camionnettes même qu'on a brûlées, oui, c'est vrai, oui, parce que au bout d'un moment, il y avait une exaspération. Bon, cela dit, les chauffeurs, on les a toujours très bien traités, bien évidemment. Hein. Ça, c'était, on savait qu'ils travaillaient aussi eux pour se faire pour vivre. Donc, il n'était pas question de mauvais traitements, pas du tout même. Voilà. Alors, parallèlement au rodéo, on allait aussi dans les gares. On était souvent renseignés par des camarades de la CGT, donc des postiers aussi qui nous renseignaient. Et on allait virer les Parisiens qui avaient réussi à passer entre les mailles de notre filet, qui étaient destinés à l'approche ou à l'approche banlieue pour le lendemain matin avec les premiers trains de départ. Alors là, en général, on récupérait aussi les Parisiens. Et puis on les détruisait ou on les ramenait dans les journaux avec les bons de commande, pour avoir une idée un petit peu aussi de la quantité de journaux qu'on soustrayait à la vente, quoi. Mais il ne fallait pas tomber dans les excès, dans la violence, parce que beaucoup de travailleurs, là, ils n'avaient pas d'habitude de lutte de cette nature. Et comme on avait décidé de frapper sur les finances, sur l'opinion publique, avec la sortie de journaux divers, la propagande, le cinéma, on avait une équipe de cinéma, des actions spectaculaires, au moins une par semaine. Mais pas seulement à Paris, dans toute la France. Ça amenait les gens à savoir qu'on existait. Ça n'existait pas dans les luttes en général en France. C'était une première, ça, Maurice Lourdes. Ah, ça a été une première. On avait dit à des ouvriers quelque part, on va arrêter le train, ils auraient dit non, on n'a pas le droit. On va dans les souterrains à Paris, dans les égouts, on nous aurait répondu non. En tout cas, tout ce qui a été fait, il fallait le contrôler pour pas qu'il y ait de problème. Et ça, c'est votre travail, en fait. Donc, nous avons mis une commission en place, qui était composée d'une dizaine de délégués syndicaux de différentes entreprises, avec les représentants, y compris des deux entreprises du Parisien Libéré. C'était facile à faire, puisque les civils travailleurs du livre, ils étaient en fait entre la porte Saint-Martin et le boulevard et Richelieu-Drouot, quoi. Et ça ouvrait des perspectives importantes, c'est-à-dire que dans l'organisation de la lutte, sur 6000 travailleurs, tous les jours, il y en avait 600 disponibles. 600 disponibles dans les 5 premières minutes et 1000, 2000 de plus une demi-heure après. Je pense peut-être que le camarade Lourdes a des précisions à apporter. Extrait du film Libérer le Parisien, réalisé par Jean-Louis Muller. On a, nous, préparé, disons, on souhaite qu'il y ait une centaine de voitures de 4 à 5 camarades qui se rendent là-bas. Alors, on a fait une répartition approximative par entreprise. On n'est pas à cheval à une voiture près, bien entendu, ça peut être plus, ça peut être moins. Mais il faut qu'on ait au moins un minimum d'une centaine de voitures à Saint-Étienne. Alors, on va vous donner les chiffres des voitures par entreprise. Pour les petites écuries, il nous faut 15 voitures. Pour le Parisien Enghien, il nous faut 35 voitures. Pour François, 8. Pour les IPR, 2. Pour l'Humanité, 5. Le Monde Italien, 6. Le Monde Saint-Denis, 6. Pour la Cirlo, 5. En marchant tranquillement jusqu'à la mairie, il faut compter entre 7 et 8 4. Minutes. Pas plus. Pour le New York, il faudra être très rapide, parce que cette mairie, elle est constamment gardée par des agents en uniforme et à l'intérieur, des RG. Alors, c'est pour ça qu'on veut la faire à 8 heures dès l'ouverture. Salvador Sanchez. Il ne se passait pas une semaine sans qu'il n'y ait pas une ou deux actions. On a occupé l'hôtel de ville, enfin je cite dans l'ordre, dans le désordre. Notre-Dame, les bateaux-mouches. On a fait la porte Saint-Martin. Moi, on était perchés en haut de la porte Saint-Martin. On était 150 là-haut. Et puis les gens en bas, ils nous envoyaient le ravitaillement par une espèce de petit funiculaire. C'était assez drôle quand même. Bon, on avait froid. J'ai attrapé une angine ce jour-là parce qu'il y avait un courant d'air pas possible. Et la lutte n'était pas triste. Voilà ce que je veux dire. Alors là, par exemple, c'est... On a éparpillé du Parisien libéré aux Champs-Élysées, par terre. Il y en avait partout. Nous sommes allés à l'arrivée du Tour de France dans les tribunes. Bon, on retardait le départ, mais il n'y a jamais eu d'action. Les coureurs même, étaient d'accord avec nous. D'autres, on a fait un tas de choses dont c'est... Faire l'énumération de ça, c'est vraiment difficile. Alors, le France, c'était en mars 76. Un copain est venu me chercher en voiture le soir. On ne savait pas où on allait. Parce que j'avais été contacté par Lourdes, justement, et Charton. On nous a présenté cette action. Voilà, vous partez dimanche soir. On ne peut pas vous dire où vous allez. Et on ne peut pas vous dire quand vous allez revenir. Le jour où vous allez revenir. Tu confirmes? Alors, bon, vous êtes volontaire ou pas, hein, c'était voilà. Et on est parti en autocar. Et finalement, on était au moins 70, ou je sais pas comment on était là-bas, 70, 80, enfin, on était un bon paquet. Et à 6 heures du matin pile, et ça restera dans ma mémoire, le quai de l'oubli porte bien son nom. Le France tout seul perdu dans ce quai de l'oubli, là, nous on arrive là-dedans. Allez les mecs, c'est là qu'on va. Et hop, nous voilà tous, il y avait un commandant de bord qui se trouvait là parce qu'il y avait une garde symbolique. Il y avait plus rien là-dedans. Et puis on a investi le France pendant presque une semaine. Et donc, c'était assez marrant. On avait monté des tours de garde, comme à l'armée. Toutes les deux heures, on a eu le soutien de l'union locale et même de la mairie du Havre, qui nous venait nous apporter à manger. On se faisait la cuisine. Enfin, c'était vraiment épique. Et mon épouse Annie, quand elle a su que j'étais sur le France, elle a pris la voiture, elle a simqué en sang. Elle est venue me rejoindre avec mes deux gosses, là-bas, avec Madame Gauthier et ses filles. Enfin, on était là, quoi. Alors, pour le France, la banderole, on faisait des banderoles de 5-6 mètres de long. Sur le France, c'était ridicule. J'ai été acheter, avec ma femme, un rouleau de 300 mètres de tissu en 140. Et à la machine à écrire, elle l'a piqué. Elle l'a piqué pour faire un truc de 2,80 m de haut, avec un lourlet en bas. Et ça nous a fait une banderole qui faisait 150 mètres de long sur 2,80 m de haut. Sur le France, ça avait de la gueule. C'était énorme. Ouais. Ça avait de la gueule. Alors là, j'avais un copain qui sortait pas la nuit, mais qui avait un bon coup de pinceau. Il avait fait des pochoirs, il faisait banderole. Alors là, sur cette banderole-là, à un moment donné, je dis, attendez, sur une banderole comme ça, on peut pas mettre un tas de trucs, il faut mettre quelque chose. Et on a demandé à Krasuki, et c'est lui qui nous a fait dire qu'il voulait qu'on marque l'imprimerie, le France comme l'imprimerie bradée. On avait le secrétaire général de la CGT à ce moment-là, qui s'appelait Henri Krasuki, qui lui était, parce que tout le monde ne nous a pas suivis à 100% quand même, lui était complètement dans le conflit. C'était son truc. Et il nous avait dit, il faut mettre les rayeurs de notre côté. Alors ça, on a aimé. Et je veux dire, c'est ce qu'on a fait. On avait toujours un mois d'avance, je veux dire, il y avait des piles d'actions préparées. Dans l'équipe que j'ai animée, il y en a qui partaient, ils faisaient les photos de l'endroit où on devait aller, il y a une garde, il y a la relève, on préparait ça comme je suppose les résistants les ont fait pendant la guerre ou autre chose. France Inter, 28 juin 1976. Il y a une interruption assez anormale dans ce journal qui d'habitude qui n'est pas musical, du moins dans son information, parce que pendant que nous étions en train de vous parler de la Transat et de Tabarly, la salle dans laquelle nous réalisons cette émission, qui est une grande salle de la Voix du Nord, a été envahie par des travailleurs, si je comprends bien, du syndicat du livre, qui réclament des négociations, me dit-on, sur le Parisien libéré. Alors, je précise tout de suite, vous demandez le micro, je n'ai pas d'autre solution que de vous le donner. Sinon, je suis obligé d'interrompre mon émission, c'est ce que vous m'avez dit. Alors, messieurs, je vais vous donner le micro, vous m'avez demandé 2 minutes, je vais vous donner les 2 minutes, mais j'insiste bien, et les auditeurs de France Inter l'entendent, vous nous avez forcés à vous donner le micro. Vous êtes entrés dans cette pièce alors que vous saviez que nous faisions une émission en direct. Maintenant, messieurs, vous avez vos 2 minutes. Je vous écoute et vous vous présentez, car ça n'a pas été le cas jusqu'à maintenant. Bon, Je suis Monsieur Tranet, délégué syndical du Parisien Libéré. On s'excuse de modifier quelque peu le contenu de ce journal. Non, d'imposer votre information. Non, vous dites que vous modifiez, quant à nous, de modifier quelque peu le contenu de ce journal. Nous sommes présents une nouvelle fois pour expliquer à l'opinion publique qu'il existe un conflit au Parisien Libéré, que ce journal organise en ce moment le Tour de France, qu'il le fait d'ailleurs conjointement avec France Inter, qui en la circonstance, au nom de la liberté d'expression sans doute, oublie de parler du conflit du Parisien Libéré. Et nous sommes venus, venus rappeler qu'il existe, ce conflit existe toujours, et qu'il y a 650 personnes et leurs familles qui sont abandonnées par la direction du Parisien Libéré. Depuis 16 mois, nous ne cessons de revendiquer des négociations. Jusqu'à ce jour, c'est le silence le plus total. Nous dénonçons et nous renouvelons notre dénonciation du soutien qui est apporté à Maury par le gouvernement, car ces entreprises sont toujours gardées, car toute la législation sociale a été bafouée sans qu'une nouvelle fois on prenne une quelconque démarche envers lui, et nous dénonçons une nouvelle fois ceci. Ce que nous voulons, et nous ne cesserons jamais de le dire, c'est que des négociations soient possibles et qu'elles doivent s'ouvrir. Bien, monsieur, je pense que vos 2 minutes sont écoulées. Le droit de réponse existe et je pense que les personnes auxquelles vous vous adressez, dont vous parlez, l'utiliseront si elles le jugent utile. Si vous permettez maintenant, nous essayons de continuer notre information. Je vous demande, messieurs, vous avez demandé 2 minutes, on vous les a données. Alors maintenant, vous nous laissez continuer l'information, car il n'y a pas que le Parisien Libéré et que le conflit du livre que nous avons évoqué, contraint et forcé, car nous pensons, nous à France Inter, que nous pouvons avoir le choix, effectivement, des opportunités de parler des sujets quand il faut en parler, et pas sous la pression. Donc, je continue. Messieurs, si vous voulez bien. En l'occurrence, donc, l'actualité, c'est d'abord Airbus à Paris, à Tel Aviv, à Kampala, en Ouganda, mais aussi dans le monde arabe. C'est l'attente. 245 passagers, dont un bébé, et 12 membres de l'équipage sont enfermés, toujours, dans les carlingues donc, de cet Airbus d'Air France qui s'est posé cette nuit sur l'aéroport d'Entebbe, en Ouganda. On ne sait toujours pas, Didier Hadès, qui sont les pirates. Le détournement est revendiqué. Jacques Ruet, à propos du film « Libérer le Parisien ». Mais c'est des très beaux plans, ça. Vous vous souvenez de cette prise de vue, là ? Ouais. L'atelier... Ouais. Ça démarre sur une rotative vide... Et ça démarre tout de suite derrière par une manifestation. Alors expliquez-nous comment ça s'est mis en place. Un jour, moi j'étais délégué syndical au Parisien Libéré, donc CGT. Et je n'ai pas démarré le conflit au début parce que j'étais hospitalisé. Le 3 mars 1975, le conflit a démarré. Et quand je suis rentré dans mes activités, la grève battait son plein. Alors... Et donc j'ai repris mes responsabilités. Et lorsque je me suis aperçu en arrivant qu'il y avait là nécessité à raconter l'histoire par l'image et le son, j'ai contacté à l'Humanité un grand monsieur du théâtre et du cinéma qui s'appelle Marcel Blouval, qui m'a mis dans les petits bras musclés de monsieur Jean-Louis Muller, qui est devenu mon ami, avec qui on a travaillé pendant plus d'un an. Et Jean-Louis Muller a réalisé le film. Le film a été considéré comme une action militante de la grève. C'est pour que l'opinion prenne connaissance, l'opinion et les ouvriers en général, sans doute, prennent connaissance de ce mouvement et de ses motivations. Tout à fait. Donc, je me suis pris de passion et je me suis, donné les moyens de monter une équipe de tournage qui pouvait suivre toutes les actions. Chers amis, chers camarades, c'est au nom des 145 occupants du France, mais surtout au nom de l'ensemble des travailleurs de nos professions, que je vous dis combien nous sommes sensibles et fiers de votre présence parmi nous. Non, les camarades ne se sont pas trompés. Que ce soit nos camarades de chez Chauffour, de Chex, de l'Imprimerie de France, des Lyon-Cachan, de toutes nos entreprises en lutte, du Parisien Libéré, Comment ça se passe après Jacques Rouet, ce film vous allez le diffuser en comité réduit? Comment il sort? Alors, on va sortir le film officiellement grâce à Maurice Lourdes au Rex à Paris, au Grand Rex. Où il va y avoir là dans la salle 2700 personnes. Et après, il va se balader dans les petits villages, dans les villes, et accompagne le film toujours. Un responsable pour pouvoir en discuter, moi je suis souvent là. Mais on a eu Raymond Bussière, on a eu des comédiens qui sont venus nous voir pour nous dire ben, « on va accompagner le film avec vous pour aller voir les gens quand vous allez le projeter ». Voilà. On a eu Jean Ferrat. Voilà. Les objectifs ont été d'une certaine manière remplis. Enfin, vous, voilà, c'était un film d'explication, militant. Ce qui m'a amené, si vous voulez, à ce qu'on raconte cette histoire, c'est que c'était une aventure nécessaire au monde ouvrier. Voilà. Voilà, c'est ça. Et qu'on n'était pas les premiers, parce qu'avant, on a été les premiers à employer ces moyens-là, nous. Parisiens, les premiers à employer les grands moyens. Et il est vrai que notre bataille n'était pas uniquement la bataille de la presse, c'était la bataille de la presse, du labeur, de la CGT, et puis des partis politiques qui étaient venus nous aider. Alors, dites, le oui, Parti alors. Communiste, le Parti Socialiste et d'autres encore. Des mouvements chrétiens, des tas d'associations sont venus. Des chanteurs aussi, il va y avoir un concert. Mais oui, mais il y a eu tout un ensemble de personnes qui étaient révoltées par ces injustices. Alors ça, on s'en rendait compte lorsqu'on faisait des distributions de tracts. Gérard Poulain. Hein, on a fait ce qu'on appelait des spéciales PL, comme on disait, Parisien Libéré, avec l'entête du journal, puisque on pouvait travailler toujours rue d'Anguin, parce que, oui, je ne l'ai peut-être pas précisé au départ, mais la rue d'Anguin était toujours occupée depuis le Locout. Elle était occupée par les ouvriers du livre. Hein. La rue d'Anguin, alors, bien sûr, avec toutes les précautions, d'énormes bobines qui faisaient 800 kilos, voire une tonne à l'entrée, des grandes portes où se faisaient les livraisons pour les rotatives, quoi. Hein. C'était du matériel très lourd. Donc, on avait empilé des dizaines et des dizaines de bobines très très lourdes, donc pour forcer la porte. Comme ça s'est fait d'ailleurs le jour où ils ont pris la rue d'Anguin, mais il a fallu pratiquement l'armée, hein, pour défoncer tout ça. Et puis, donc, on pouvait continuer à travailler. Alors, on faisait des numéros spéciaux. Alors, les typographes ont été mobilisés. On faisait la mise en page et tout. Il y avait les rotativistes, les photograveurs. Et puis, on arrivait à sortir que, des fois, un 4 pages, 4-6 pages, des fois, on sortait. Et on distribuait ça aux heures d'affluence, dans les gares, par exemple, ou aux stations de métro. On allait souvent à Saint-Lazare. Alors c'était parfois, il y avait des gens qui le froissaient, bon, bah, comme toutes les distributions de tracts, hein, c'est pas, ça peut pas être un color inodore, hein, il y avait de la détermination dans le tract et tout ça. Alors des fois, en général c'était bien reçu quand même, en général c'était bien reçu. Les gens comprenaient malgré tout notre combat, quoi. Interactualité, 6 décembre 1976. C'est dans un peu moins d'une heure que le Premier ministre Raymond Barre parlera sur notre antenne et à la télévision de l'affaire du Parisien libéré. Cet après-midi, Christian Belac, le ministre du Travail, a reçu le PDG du Parisien, M. Émilien Maury. Demain après-midi, il a rendez-vous avec les délégués du comité intersyndical du Livre. En dépit de la manifestation de cet après-midi, une manifestation de solidarité avec les ouvriers qui ont été expulsés hier de l'imprimerie qu'ils occupaient, en dépit donc de cette manifestation qui se déroulait de la République à l'Opéra et dont nous entendrons dans un instant quelques échos, s'agit-il, Jean Girardot, à votre avis, de l'amorce d'une véritable négociation? Eh bien, pour l'instant, les négociations proprement dites ne sont pas engagées puisque les interlocuteurs sont reçus séparément. Mais c'en est manifestement le début. Roger Lancris, ce conflit dure. Il y a quand même un conciliateur qui va être nommé. Non, il y a eu plusieurs conciliations. Il y a eu le plan Motin, en plein conflit, téléguidé par les pouvoirs publics pour essayer de trouver un règlement à l'avantage d'Amaury. Il avait fait une telle proposition très ras du gazon, sans respect, plus de convention, plus rien, que les camarades ont rejeté le plan Motin à 82%. Ensuite, si vous voulez, la médiation est arrivée à la mort d'Amaury. en janvier 1977, oui, d'un accident. Et ça, ça va accélérer finalement les négociations et la fin du conflit. Ben oui, puisque le gouvernement décide de donner le dossier à M. Belac. Et on s'est retrouvé toute la nuit à négocier avec Belac, avec le comité inter, pour arriver à l'atterrissage qui, en fait, permet aujourd'hui aux Parisiens de sortir normalement avec des équipes mixtes. Il y a des FO, il y a de la CGT. Les trop-pleins, on les a réglés socialement. Tout a été réglé, juridiquement parlant. Il y a eu une loi d'amnistie, les procès s'étaient terminés. Les gars ont repris leur boulot. Il y a eu deux imprimés qui ont été créés par Amaury. Il avait créé la SICAVIC et une autre petite imprimerie pour faire des tas de travaux. Donc, et tout ça à Saint-Ouen, et sous l'égide de M. Bélanger. Voilà. C'était la fin d'un conflit pour nous. Nos gens avaient retrouvé leur emploi. On n'a pas pavoisé, on a seulement dit que c'était une victoire des ouvriers français. Parce que c'était pas seulement que la victoire des travailleurs de la presse, c'était la victoire du mouvement ouvrier. Journal télévisé, 16 août 1977. Voici donc enfin la solution du plus long conflit de l'histoire de la presse française, 29 mois. Les négociations qui ont débuté réellement la semaine dernière se sont faites en deux temps. Premier temps, entre la direction du Parisien libéré et les syndicats du livre, elles ont abouti à des solutions pratiques. J'ai relevé quelques chiffres, 112 travailleurs réintégrés, ils seront payés à compter du 1er août, 40 reclassés dans d'autres imprimeries de la presse parisienne, 192 aux messageries, c'est-à-dire à la distribution des journaux, enfin une soixantaine de départs en retraite. Deuxième temps de ces négociations entre le ministre du Travail, M. Belac, qui est à côté de moi, et les syndicats. On y a décidé notamment de verser aux ouvriers qui s'en iront une indemnité de 10 000 francs, 1 million d'anciens francs, enfin du ressort également du gouvernement, la possibilité pour ces ouvriers de ne perdre aucun point pour leur retraite. Alors, avant de recueillir les réactions du syndicat du Livre, Monsieur le ministre, êtes-vous satisfait ? Eh bien, pour le ministre du Travail, il est satisfaisant d'annoncer la fin du conflit du Parisien libéré. Et c'est un compromis sans vainqueur ni vaincu. Il fallait que j'essaye d'obtenir qu'il n'y ait, par rapport au projet initial, ni ambiguïté, ni artifice de présentation qui aurait pu être les germes de conflits futurs. Enfin, il est satisfaisant que l'on ait renoncé au monopole syndical d'embauche dont la pratique choquante était contraire au droit habituel que nous entretenons en matière de liberté et de droit du travail. Bon alors, pour la Fédération du Livre, s'agit-il d'un succès syndical ? Il s'agit plus que d'un succès, il s'agit d'une victoire. Jacques Piot. Non pas pour la Fédération du Livre, mais pour l'ensemble des salariés, qui la démonstration est faite qu'avec de la ténacité, eh bien, on parvient à signer des accords satisfaisants pour les travailleurs. Monsieur Belac vient de se montrer satisfait de la disparition du monopole d'embauche. Qu'en pensez-vous ? Eh bien, c'était pas la question du conflit. Le conflit par lui-même portait sur les conditions de la modernisation de la presse et comment le régler d'une manière humaine et permettant aux travailleurs de retrouver un emploi et un salaire décent. Nous avons toujours dit que pour nous, le monopole de l'embauche, nous étions prêts à en discuter largement. Il y avait déjà eu quelques-uns auparavant, mais le Parisien libéré, c'est un conflit emblématique parce que le patronat, tant de la presse que du reste de l'industrie du livre, a voulu restructurer d'une manière sauvage. À chaque fois, ça a généré des luttes extrêmement importantes. Daniel Légereau. Tout ça s'accompagnant d'une évolution considérable des technologies qu'on ne pouvait pas nier. Là où quelquefois, fallait 200 salariés, une vingtaine pouvait faire le même volume de travail avec des techniques tout à fait nouvelles. Moi, par exemple, j'étais photographe en héliogravure, photographeur. Ben, mon métier n'existe plus, par exemple. On a pu, grâce à la force du syndicat, bien souvent, lorsque des emplois étaient supprimés, admettre les réalités et négocier des plans sociaux permettant de dégager des effectifs d'une manière civilisée, sans que les gens soient rejetés, soit à travers des systèmes de départ anticipés de la production, soit à travers des reconversions. Mais tout ça, évidemment, ça a eu une incidence considérable sur nos effectifs syndicaux. Et Gérard Poulain, alors, vous, au Monde, ça va, la modernisation, elle va aussi arriver. Oui, alors, au Monde, ça s'est beaucoup mieux passé. D'abord, on n'avait pas du tout la même direction. Mais on avait de très bons rapports avec, notamment avec Jacques Sauvageau, qui a toujours considéré que le fait d'avoir un syndicat fort était aussi un appui pour les directions. S'appuyer sur, parce qu'on était plein d'idées également, hein. On voulait une transformation, comme je le disais tout à l'heure, on était toujours partie prenante de la modernisation, parce qu'on savait que c'était inéluctable. Mais je me répète là encore, mais pas sans nous. À telle enseigne d'ailleurs que, par exemple, la chambre syndicale typographique avait ses propres cours par une école reconnue d'État où on enseignait les différents logiciels, enfin, et même avant, au niveau des lumitypes, avant les machines à composer, hein, qui sont venues juste après les linotypes, là, la composition mécanique en plomb, qui était aussi une étape qu'on n'a jamais refusée non plus en 100 ans, au début du 20e siècle. Et quand est venue l'ère de l'informatique, on toujours revendiqué. On s'est doté d'ailleurs de matériel à nos cours, à nos propres cours, et on a toujours voulu aller de l'avant, mais à condition que ça se fasse avec nous. Voilà. Avec les témoignages de Maurice Boivin, Jacques Cruet, Roger Lancry, Daniel Légereau, Maurice Lourdez, Gérard Poulain et Salvador Sanchez. Merci à Christiane Lancry et Christiane Lourdez. Merci également à Marie-Cécile Bouju. Archivina, Aurélie Marsay. Extrait du film « Libérer le Parisien » réalisé par Jean-Louis Muller. Prise de son, Clémence Bonfils. Mixage, Pierre Monteil. La grande grève du Parisien libéré, Séverine Liattard et Anne Fleury. Si vous voulez écouter ou réécouter cette émission, n'hésitez pas à aller sur le site internet de France Culture, www.franceculture.fr. Demain, nous continuons notre semaine consacrée à l'histoire de l'imprimerie en nous plongeant dans le lieu emblématique de cette histoire en France, à savoir le musée de l'imprimerie et de la communication graphique à Lyon. C'est une promenade qui sera menée par Séverine Liattard.